un pays omis le visage. Entier tu leur agaches, politiciens sauvages. Dans ce pays que nous perdons depuis des années, on fait tout pour nous endoctriner. Détournement, abomination, qui selon eux sort de notre imagination. Machination, accusation. Bienvenue dans notre merveilleuse nation. Ce sont des cadors, plutôt des porcs, qui ne pensent qu'à gagner, empoigner, voler et taxer toutes les richesses de ce putain de monde. Ils dépensent qu'un sur en quelques fragments de seconde. Ils nous endorment à coups de discours politiques pour nous cacher tout le fond qui nous pique. Ils te font croire président est con, alors qu'en fait ils l'ont mis à cette disposition. Nous sommes dans ce monde, rempli de gens immondes. Ils nous la mettent au fond pendant qu'on danse la ronde. Je suis partie intégrante de cette société béante. Sois dans mon enfant, sois dans leur des conquérants. Nous sommes dans ce monde rempli de gens immondes. Ils nous la mettent au fond pendant qu'on danse la ronde. Nous faisons partie intégrante de cette société béante. Sois dans mon enfant, sois dans leur des conquérants. Dans ce pays, on mit le visage. On te taxe à n'importe quel âge. On était encore tous dans notre foutu berceau. On nous a demandé avec vous payer vos impôts. Ce n'est pas en grandissant que tout cela va changer. On va te juger, te manger, tu resteras figé. À un an, un compte bancaire, un abri précaire, qui te dira avoir été un choix arbitraire. Ces gens sont propriétaires de tous les fonds monétaires. Enfin c'est ce que nous ont dit leur putain de secrétaire. Ce monde est autocratique, nous sommes des hérétiques. Mon bras de politique, une utopie emblématique. Ils essaieront de nous endormir à coups de latte. Et on ne sera pas les seuls à prendre des coups de batte. Si ce système monétaire ferait l'affaire, pourquoi nous ne sommes pas une société communautaire? Dans ce monde rempli de gens immondes, ils nous la mettent au fond pendant qu'on danse la ronde. Nous faisons partie intégrante de cette société béante. Sois prudent mon enfant, c'est bientôt l'heure des conquérants. Nous sommes dans ce monde rempli de gens immondes, ils nous la mettent au fond pendant qu'on danse la ronde. Nous faisons partie intégrante de cette société béante. Sois prudent mon enfant, c'est bientôt l'heure des conquérants.